qui grandissent tôt. Des grands sont pleins de grands discours, fils. L'état est pour que nous c'était sortes des bandits de souche. Clair de lune, des enfants stables pour quelques thunes. Y'a des têtes de turcs, des amis d'enfance assis ensemble, maintenant se perdent de vue. Dehors on prend des séquelles, viens ici on démarre. Tous nos cœurs sont CK, faudrait qu'on se barre aux Seychelles. Je l'invite mais je bosse. Gloss sur ses lèvres. Si cette pute me suce la bite, je pense pas qu'elle embrassera mes gosses. Elle prend le jet ou elle a mis sa rive. Elle sait que je vis la nuit. Je la baise et puis je disparais comme le Titanic. Ma peine c'est ma vie d'artiste. Tu le baisses, tu le vivaldis. Je les baisse comme le B.I.G. Tu sais que je risque ma vie. Ma quête, achète mon tissu si je te fais kiffer. On se voit, on se dit à Cafas en évitant les braquages. On ouvrira des coffres. Je suis le nouveau prince de Paname. Pour mes disques, aide-moi à coffrer. Si tu veux que sur moi j'ai pas d'armes. En plein ascension, le monde est sans pesanteur. Tremblement. On prend de l'ampleur. En plein ascension, le monde est sans pesanteur. Tremblement de terre, on prend de l'ampleur. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ben des mafias, ben des mafias. Ah yes. Ben des mafias. Panama, ben des mafias. Du lourd, du lourd. Ben des mafias. J'voulais du pif, la bonne affaire ma fille, les sous-néfices. C'est l'objectif, et de miser sur la mif, partage de bénéfices. Béni, j'mène mon clan, au fil du temps j'me crispe. Car, fais pas une pizza, mi car, ni smoke, ma dernière carte en gold. Golf avec Obama, comme dit Makala, elle donne. One t'es donne, pas promis à une carrière sur le trône. Et faux cause pour cause, elle dort à la BENDMOP. Coup du MOP, avec ta mise au pied, jeune croupier. Tout s'accroupit, j'opère au feeling, obligé de kicker. Aucun disque est rayé, comme mon maillot d'œil noir ici. J'pourrais me noyer si tu fais des bordels vagues. Bouge la tête avant la repose au bal, je venais monopoliser le mic. Nike Air Max dans la perle et neige, je me casse sur Paris. Sud, les salis sur oubli, je me gare à faire du sale. Sud des villes obscures, inhalent la pure. Peu, les yeux purple, on fout le zbeul dans ton peuple. Ouais, nique ton peu. C'est des villes en fils. Fuis, si t'assumes pas l'effet surprise, je vous la même et sur qui je pourrais jurer miss. Un jour au jour, le jour autour de moi, les vautours. Get, get, get, tendu par les condescentés. Nique, je m'entête quand je te dis que les tout est un bon. C'est perplexe, mais bon, je relativise sans faire le mec. Et j'ose te dire des choses qu'on expose en fond de puits. But, m'arrive visé, au pire, je me retire vite. Je vois que t'es pelotisé ce but. Moi, je veux le salaire d'Ancelotti. Ou plus, et pour me branler, j'achèterai le bus. Ou plus, je suis ce gamin qui veut se noyer dans le luxe. Avant la fin de la peine que je pure, je veux la réussite, ça urge. Merde, merde, merde, merde. Quand on ride la ville avec les fenêtres ouvertes. Il ressort des nuages de fumée toute verte. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. Monte le son. C'est à ce mode de vie de page qu'on les compte. Ride la ville avec les folies et tu rides. Il ressort des nuages de fumée toute verte. Toujours bien l'accompagné, toujours bien l'accompagné. C'est à ce mode de vie de page qu'on est condamné. À ce mode de vie de page qu'on est condamné. C'est à ce mode de vie de page qu'on est condamné. Eh, obligé tu rides. Qu'on est condamné. C'est à ce mode de vie de barge qu'on est condamné. Yo c'est Elio et les femmes, attention à l'arrivée des vétérans. On fait les rap donc il est préférable. Vous tiriez la révérence. Quand y'a plus de hub on a la clope B comme James Dean. Roule avec des top modèles. Donc les coronets vides. Tous les samedis mes nomades veulent le pécho de la skunk. On domine dans tous les domaines, ça fait Edge striking. Mec on rap classe, on hérite bien ses principal but. Lifestyle américain, nos vies des caricatures. Ça fait middle kick dans les mains de ville au ville, on aime ride. Ou road et sous air, verda comme une émeraude. Rap, musique, c'est Paris, c'est que ça se passe. Je pas juste de la ville, mais de Paris, ça au sage. Je rappe pour mes frères, mes princes, à ce qu'ils rêvent. Pour les en Porsche ou en Benz, veulent les poches pleines de peste, plus leur 15 berges. On est le futur, donc on se met juste et plus que bien. Luxure et lèvres pulpeuses, fissure de rien, mais plus je fume. Je me dis que je devrais rouler un autre pur sur ta chute de rein. Je déconne, ah, on a un réseau large, connais mes sauces par cœur. Trop chaud pour le thermostat, tous les ghetto blasters. Les femmes nous insultent, la nuit reviennent nous chouchouter le jour. L'amour c'est comme la roulette russe, sauf qu'on est sous boulette. Ok, c'est comment? Je crois que le chétan est tous les jours sous camel. Sa camel, juste avant de tirer un sac à main, un sac est mort. J'ai toute une mif et je peux pas penser qu'à moi. Surveille tout peu, sac à mots. Va tous en passer comme un fusil au comore. Pour mon tonton cadère, on fait du bon son tadère. Je m'en fous, mon yaks derrière. Je passe à Camus, pas si coma dans mes écouteurs. Je me pas dans scooter, 110 au compteur. Sous un soleil d'équateur.

Aïe aïe aïe, Paris de Bamar, c'est comment 14ème, c'est comment les Moulins, c'est comment. Balance mes tours là, heureux les poches pleines de rangs, pleines ascensions, on repère ses prêts des sur le sauna. Cramer la zone, les autres nous guettent comme des apôtres, les fers achevés, les draps. Les mecs, attention, c'est plein des mafias qui piquent tout parti à ce pays. Promis à une carte fiable depuis qu'on parie grosse mise. En gros, je vise le haut. Poste échec dans le hall, guette les lots, soit sur terrain hostile, gros style. Nique les clones, fuck les pauvres, ceux qui me guettent de haut, ceux qui pètent mes loaves. Romance la vidéo sur vidéo. Tu veux m'avoir, regarde dehors, ça crie pas haut, donc le prix en hausse. Élite de France, ah, tu veux une équipe basse comme. On est meilleur que vous-même avec 10 litres d'alcool dans le sang. Rien ne m'enchante, à part les grosses sommes. Prépare les pansements, t'es dans transe, frère. Ça vient de Paris, gars, si tu sais pas, faut pas s'y aventurer, tu fais l'animal. Mais au moins, faut pas, tu vas tituber. Qui t'a dit qu'il y avait meilleur que nous dans cette île de France? Comme Torti, on lève la Ducati et on part en île devant. Nous, va briller, guider Paname. Si notre son, c'est de la dope, tu vas kiffer, sniffer la cam. On demande au ciel pourquoi la peine, le désespoir. On vient connecter les planètes car nos rêves sont des étoiles. J'ai grandi quand j'y repense, on a galéré pour ça. On en avait déjà de l'avance, on était à 10%. Rappé dans les apparts sales, aussi complet que le Barça. Panama, tu sais, les rappeurs, on les shoot. Devant les meufs, les passants, c'est vrai, on était pas sages. Et cela tout en sachant que la vie ne serait qu'un passage. Mes gars ont conquis des pélos, m'amènent t'entends la guerre et tu mes choix ont construit mes épaules à peine 20 ans et je les tue. Passables sont tes projets bons, bon, une correction. Je gagne et tu passes pas, aga. Spatiales sont les connexions, mes projets sont des obsessions. Tes collections, fans de mes spartiens. La prod est lancée, j'apporte mes forces, c'est comme l'a fait Platon. Désormais, tu peux m'appeler patron, mais n'en fais pas trop. Venu du droit des voix fond, sache qu'on a le tâche et marron qui prendrait accro. Oh, y'a du brouillard, pas une éclaircie, on veut brûler le stem. Si patrouillard, mais des brouillards, si tu sais faire ça, tu sais faire si. Moi j'ai jamais bu des DMC, jamais bu d'NSI ou jamais fumé de Sensi. Je sais que ça paraît marrant, mais c'est bien ce que j'essayais de faire croire à papa et maman. Ça passe pas et maintenant je vois mes vieux perturbés. Dans le rap, je veux faire du ré, passe au pré. On est tous à la recherche du blé. Les grands bizarres la frappe, les petits te servent du thé. Si t'es pas serein, tu peux vite te faire tuper. C'est vrai qu'on a l'esprit commercial. Entre Nespi, monnaie sale, on est dead si nos mères le savent. Ben des mafias, y'a mes frères. Sont mes associés, inarrêtables comme un taulard grillé devant les bars aussi. Je vois la vie en noir et blanc, mon flow de marée donc dans ma clique, on les pas les tendres qui pourra égaler le gang. N'est qu'un taxi vu tout ce que j'ai appris dans le trône. On atteindra le trône en agrippant le chrome. On prépare les prestations et restage dans nos uniformes. C'est à dire qu'au studio, les constellations fusillonnent. Casquette vissée sur la tête, tu veux c'est sur l'équipe. Nique tous ces soirs qui nous piquent, c'est insoutenable. Villa de luxe avec l'âme, font des compresses. Les passants dont les conquis, à les amants dont les contestes. Les ennemis rouspètent, guess who's back. La vie n'a pas d'odeur à part un goût de sel. C'est pas en fumant tous tard que tu vas t'évader. Faut se booster, la vie c'est du vent seul. Les douilles restent. L'humilité se fait sucer par l'amour dans une ruelle sombre. J'suis cruel comme si je riais des obsèques durs comme un Viet Cong. Pire scombe pour m'adoucir, j'ai grandi, les courbes de la vie sont dégâts. Donc j'plie bagage comme si tu pilles ça. Putain ferme ta gueule, fais le rappeur en chien mais on sait tout ce que t'as. En appartance, un endroit cher bien neuf. C'est pas l'heure de mytho, bande de salope. Ben des danseurs rap, on fait le remake de Silent Hill. Longer la route, faut pas longer la mort. Ramasser toutes sortes de billes, faut que je le fasse pour rire, au moins pour les miens. Mélange line pour éclaircir ma vision utopique. Pourtant là je vous assure, il s'agit seulement d'une ogive. Putain on fume l'OG à plein, plein, plein. La vie me sourit peut-être pas, mais j'ai des amis qui font taf à jeun. Mon rap c'est mal et calcabit, lunatique, dissident, mais vitesse à un vite silence sur du Ludac. On arrive beaucoup trop de flow, attention, tu sens qu'on est là, mais là. Prod, les fauves sont prêts, ils attendent juste qu'on les lâche. Le public est un, ils attendent qu'on débarque. Les fans les plus fidèles cassent la voix avec nous sur tous les bacs. On va marquer le business, la musique va s'attoper sur ces petites fesses. Un état d'ivresse, retourne n'importe quel instrumental en vitesse. Wesh ma gueule t'es malade, ton taf au calme, on escalade à la rage de voir comment sur le beat tranquille on se balade pas là. T'es d'entendre leur malade à la balle, mais tu te ramasses à la balle. J'suis là pour ça, gère le beat même en décalage. Y'a plus de place dans les gradins, les michetons nous tournent autour, le buzz arme toutes les gradins. Gauche gradin, j'y matin, tous les soirs et tous les matins. J'sais qu'il faut que j'arrête, mais pour ça j'comprends pas ce que j'attends. Non, ouais, ouais, ouais. Bende mafia, Panama Bende. Mafia Bende. Projet gratuit, l'ami. C'est la Nocturne 100% rap français. C'est Panama Bende au contrôle de la Nocturne. Projet gratuit, en effet, où vous retrouverez le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant. Exactement, Fred. Exactement ça. Un morceau qui s'appelait Smoosla. Tout simplement. On va attaquer le live dans quelques minutes. Mais peut-être qu'on a le temps de finir avec un petit dernier extrait du projet. Non, qu'est-ce que c'est un classique, allez, classique. Un morceau qui s'appelle Ave. Exactement. Par exemple. C'est celui qui peut. Eh ben c'est parti maintenant. Panama Bende sur Skyrock. Bang bang bang. Ave. C'est la guerre sur Skyrock. Panama Bende débarque. Bré. Dis quoi comme Kenny. Ah. Barre comme Kenny. Ouais. Si je te démarre, t'es mort ta gueule. Cousin, écarte tes faux rappeurs. À 17 ans, au Bataclan. Toi, tu rappais devant ta sœur. Dans ma vie, j'ai plus que le rap et la bédave. Sa mère. Je rappe bien, ok, donc maintenant, on est le salaire. Je fais ce que tu ne fais pas. Je sais ce que tu ne sais pas. J'écris mes textes sur le trône comme le roi Henri III. De 1, t'es moche. De 2, tu rappes mal. Si tu nous vois pas, c'est que t'es un mytho. À 17 ans, je suis indétrônable. Comme l'ancien président Laurent Gbagbo. J'ai le ventre bien rond. Ouais, ouais. Stop la prod comme Sheldon. La concu flip. Personne nous double car la crosse sort du pantalon. On a rien à perdre. Tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. Ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, bende, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave. Dès le départ, fut comme un guépard avant qu'on pète. Vous les dégage, dégage avant la compète. Chose faite, dès que la forfait, que des corsaires. Pouf, mon équipe arrive et tous les faux pères. Merde, grosse terre. Mais les compros perdent avec une grosse de merde. Panama, compose le texte que des potos répètent chaque jour pour le pogo, du pogo, du pogo. Vu que tu répètes partout qu'on disparaîtra. Cassage de bouche à travers les barrières, salaud. Ramène-nous les ballots, on est pas et je lâche les balles, la belle fille sous les calots. La belle épée, le fait les niques, les pédophiles. Fils, fume avant que ma team perde le fil, imbécile. Ramène ta bille, file-nous les billets. Sous les feux que je casse. Tu, tu vas sortir en péridural, figure de style. Biture de biche, on arrive, tu te fiches Panama sur les récifs du mal. Spiff vers devant, départemental. Yeux plissés, c'est même pas eux quand j'aille. Mandat en masse, les dommages infligés de façon pas son, c'est pas eux qu'on parle. Il me faut qu'à dans backer au moins. Seul dans la merde, je fume de la cache. Hacker de mon film, pas le temps de l'effort. Dégage, agis sur ta chaîne comme des hackers. Indécis sur la couleur de ma paire. Sors de l'épice en balance et toutes les averses. Chaud comme la Nestori, au miso MIC, je produis rapidement la guerre. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave. Vende ma fille, dispo partout. Ave, ave, ave, j'te dis ave, ave, ave, ave, ave. J'ai vu la vraie misère au Cap Vert. J'écoute même plus vos caprices. Je fais de l'impro s'il y a pas texte. Pour le clip, je contacte 2-3 actrices. On a marre, full bull dans la partie. Je garde sur le trottoir s'il y a pas de parking. Ouais, ouais, ouais. C'est parti. On arrive sur scène, tout le monde se bouscule comme au karting. Vas-y, compte les thunes que tu me rapportes. Cette brune, je l'adore. Les mouvements, t'es quand les purs rapportent. C'est terminé. Elle me caresse pendant que je fume ma clope. Maintenant, parlons tard. Je pars au studio. Dans la cabine avec le chrome, je fusionne. Y'a pas de montage, coup de batte dans le museau. Car c'est une veule qui graille. Y'a du pilon dans ma chaussette. Et des biftons dans ma poquette. Après, ça gère avec casquette. Bien serré, crois pas que dans ma clique. On prend la grosse tête. Rester fidèle à sa horde, t'as tout sa promesse. Le soleil se couche, on étouffe l'alcotesse. Je parle d'ambiance que les couches t'arconnaissent. Les skills éco défoncent des sur le boulevard Jaurès. Gros terre, gros terre. Sache que ça attise ma colère. Frère, je m'en fous là, ça traîne dans le zoom. Même en période de climat polaire. On jamais soudé, même si ça se finit en coca. Quand on style, un peu de sky. Ouais, coca, un peu de coca dans mon sky. Ben des tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. Ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave. Ben des mafia. Panama sera désormais sur ton poster. On est allongé la malle et mal mené. Tous ces Yankees, cet élément. Si les gants que des grosses fesses. Mars et les Wacks faire de Panama un empire. Dans ma tête que des nausées. Je dois gérer ma vie, je me dois d'éviter les périls. Rien, ma mère elle me connaît. C'est bien qui je suis, elle sait que je connais tous les risques. Obscène, comme la cise sous tes narines. Nique les infos depuis que je sais qu'on n'est pas libre. Je t'observe et je repère toutes tes amies. Tu sais bien, toi je connais ta copine. Dans la partie, fuck, fuck, fuck les putes et les messes basses. On veut du baise, on espère finir dans l'espace. Papa, papa, on est venu faire le ménage éternel. BD destiné à faire face. Mais le journal, le moteur adéquat, et le son sort par le pot d'échappement. Tu voulais, c'était pas les bras, restait les carmes, bas les pattes, l'alcool était cossé. Ta gomme et négueuse de la nuit, faut qu'on bosse et prépare un avenir. Je n'ai pas peur de la mort, donc j'affronte les épreuves de la vie. On veut des bimbo faciles, resto gratuit comme l'aristocratie. Je répète, bimbo facile, resto gratuit comme l'aristocratie. Parfois mes refs, des riffs se plantent, mais moi je pense au cash que je mérite de prendre. Meuf, si t'as pas de CV, mieux que t'évites le gang. Panama peine des jeunes élites de France. Et ben notre mort, on va pas se laisser faire. Ferme ma clique et à les éclats. Dans vos cities on prolifère. Quand tu vois qu'il y avait ses armes. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. On a rien à perdre, tout a gagné. Rien à perdre, tout a gagné. et on a rien à perdre. Tout à gagner, rien à perdre. Tout à gagner. Ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, bra, ama bende, bende mafia, ave, ave, ra, ra, ra, ra. Rien à perdre, tout à gagner. Rien à perdre, tout à gagner. Rien à perdre, tout à gagner. Rien à perdre. Tout a gagné, rien à perdre. Tout a gagné, rien à perdre. Tout a gagné, rien à perdre. Tout a gagné, rien à perdre. Tout a gagné, ave, ave, Panama Bende, Panama, Panama, Panama, Panama Bende, Panama, Panama, Panama, ave, ave, ave, ave, ave, ave, ave, Panama Bende, Bende Mafia. Je crois que tout est résumé dans ce morceau. Ouais, rien à perdre, tout à gagner. Exactement, Fred. C'est la mentale. C'est la mentale du Panama Bende avec nous. Je rappelle que le projet pour l'instant est gratos. Hein. Et gratos, c'est ça. Avant que ça devienne payant, allez-y, c'est le moment ou jamais. Ouais. Est-ce que les prochains, il faudra quand même un peu. Mais après, on a fait pas mal de trucs aussi gratuits. Ouais. Si les gens ils diguent un peu, ils cherchent. Il y a plein de vidéos. Il y a pas mal de trucs qu'on a fait. Des projets aussi, les gens du crew, etc. Donc ça veut dire qu'on a quand même donné pas mal en gratuit quand on n'était pas très. Au moins 5 EP gratuits. Mais les gens pour ceux qui veulent découvrir, voilà, il y a plein de vidéos sur notre parcours, notre histoire. Exact. Sur la chaîne Panama Bende. Et en attendant surtout la suite. Ouais, continuez à donner les retours aussi hein, sur les réseaux sociaux. De ouf, de ouf. Ouais, on en a déjà pas mal, ça fait plaisir. Écoutez, si vous aimez pas, dites-le. Si vous aimez, dites-le. Dites-le, ouais. De toute façon, la critique est constructive. C'est ça. Exactement. C'est la Bende Mafia. Merci à tous nos supporters. Bang, bang. Merci à la Bendemi. Messieurs, vous n'allez pas vous barrer comme ça quand même. Non, sûrement pas. Vous n'allez pas partir tout de suite. Les freestylers, c'est notre école. Je suis frustré de partir maintenant, gros. J'envoie le son. C'est moi qui fais le DJ du Panama Bende. C'est parti. Cuscu. Ouais. Ouais, ouais, Panama Bende. On dit quoi? Ouais. Panama Bende. Un 2, un 2, je rappe pour mes gars, va mes gars, vont mes gavettes. Tu vas écouter ma mixtape, tu vas te casser la tête. Bientôt je rappe cagoulé pour braquer l'industrie. Ton croûte salope sur son maison disque, il signe en gueux street. Parce qu'il passe sous la table, une avance de 2000, c'est parfait. Mais un album plus tard, ces enfoirés viendront braquer ta recette. À part gagner le million, ou percer comme Muggy, je crois que je serai contraint de vendre des plaquettes, des vintales et des sedis. Ouais, ouais, j'en place une pour l'exciver. Tant de charger, esquiver. Viens pas parler argent, à part à mon agent, je suis estimé. La concussion. Sur la civière, il simule le claquage. Mais monsieur l'agent, je suis dans les stupes, je ne fais pas de braquage. On veut du cash, nous, on s'en bat les reins de ta vie. Si tu veux pas payer, je fais aller-retour au bled pour vendre les reins de ta fille. Faut que toi et tes gars, c'est du gastro. Nous, on aime la castagne, 10-10 ou ça saute. Ouais, ouais. Tous les jours, je crame cette substance, l'impression que je fais gâcher du temps. Trop de questions qui tournent dans ma tête, mes pensées ne sont pas débutants. Gradé 8 ans, ben des mobs, y'a pas débutant. Marque débutant, faisant ce qui nous plaît, reste en haut. C'est en bas que les putes dansent. On arrive dans le game tempéré, c'est les donc comme ne sois pas gêné, fais-les tous d'accord, fais-le. Arrête de calculer les comme dis-toi. Ça fait pour ta propre victoire. Victoire pour un jour les autres dire waouh. Ce mec est un mixeur cristal vital et le besoin que j'ai de rapper. Et pire que ça, groove, tiens, tu bouges ta tête pendant le freestyle. Il paraît que tout le monde demande ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bende, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui prend ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui prend ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, balance la suite. Hey, Bende Mafia. Ah, Fred, il nous envoie Bende Mafia. Bende Mafia. Aladdin, Aladdin, Aladdin, Aladdin. L'esprit hanté par des démons, des ondes qui montent à la tête dans la pénombre. J'ai le don, la manière, nique les barrières, mais son estompe vos carrières. En 2, 4, 6, sur le parier. C'est la fin, Aladdin, tu l'es par pitié. J'suis le nouveau talent, ceux qui parier. Les catins au parrain veulent se marier. Car y'a trop de types qui m'imitent. Et j'ai un gros style à la PGD. Si y'a les keufs, meuf, j'fais un murder. Cache ton bro, nique sous ton bikini. Quoi, quoi, sous ton bikini. J'fuck la police et le dirigisme. Toujours primitif, mesdames, le rap c'est pas difficile, get ça. Quand mes démons s'agrippent à mon corps, c'est le silence du désordre. Désordre. Quand la feuille fait la rime à mes ordres, voit la puissance de mes mots. J'ai le cœur quasi mort car je vis dans les douleurs du passé. Bientôt je meurs à la mangue, mes couleurs seront fades car je suis blessé. Ouais, blessé depuis le plus jeune âge. Très peu de temps pour que tu me remarques, pour que tu me remarques, pourquoi tu me reparles. Parce que j'ai le buzz et les putes ce soir. Et ça fait puff puff sur le ouin. Je suis trop loin dans ma matrice. On me dit Aladdin, jusqu'à la fin tu seras magique. Magique seront nos carrières. Magique seront nos carrières. Magique seront nos carrières. Ouais, ouais, magique seront nos carrières. Je te dis que magique seront nos carrières. Magique seront nos carrières. Ouais, ouais, magique seront nos carrières. Panama. Ouais. C'est comment? Panama, on dit quoi? Ben de mafia. Ouais. Ben de mafia. Ouais. Ben de mafia. Ouais. Hey. T'es le départ, comme un départ avant qu'on pète. Vous les dégagez, dégagez avant la compète. Je fais des claves en fer que des corsaires. Profonde équipe arrive tous les faux verges. Merde, poster. Mais qu'on prospère avec une pose de merde. Panama, compose le texte que tes potos répètent chaque jour pour le pogo du pogo du pogo. Vu que tu répètes partout, on disparaîtra. Cassage de bouche à travers les barrières, salaud. Ramenez les paroles, n'est pas rouge, je lâche le bal, la belle. Fils sur les canaux. Fil avec le pédophile, fils, file avant que Mathieu perde le fil, imbécile. Ramène ta bille à fil, mes billets filent sous le feu que je casse. Comme mec, je ride dans un moto vest like. On est beaucoup trop rapide, ils nous reconnaissent. Ah, fuck les prérogatives, on est les frères relatifs. Depuis le pro, ça kick donc pote au rescale. Ah, reste au glace, on jure et j'ai l'annonce pour mes belles, du bafon, mes belles, du bafon. Du perso à la tombe, du bédo à la zone, du déyé ou à la fraude, du frérot à la front. Hey, lavé dans la street, donne-moi un gros joint dans un hôtel de luxe. Hôtel de luxe, je dresse et le bus, car c'est mon gang qui pèse le plus. Pas les genoux dans le pif, juste tout quand je tease. Sinon, le pilon se trouve dans le jean. Comme mes gousses dans le pif. On est tout le temps clean. Que des faux qui se défoulent en gourmand le beat. Je veux entendre les cris de la foule quand je kill. Tu sois sous soyem mais j'ai pas le temps de gagner. J'économise pour ma Mustang GT. Plus grand guerrier surentraîné. Panama Bay jusqu'au jugement dernier. Plus grand guerrier surentraîné. Panama Bay jusqu'au jugement dernier. J'ai marre, t'es mort ta gueule. Cousin écarté, t'es faux rappeur. A 17 ans au Bataclan. Quand tu rappais devant ta sœur. Dans ma vie j'ai plus que le rap et la bédave. Sa mère. Tu rappes bien, ok, de quoi nous ramener. Sa mère. Je fais ce que tu ne fais pas. C'est ce que tu ne sais pas. J'écris mes textes au trône comme le roi Henri III. De 1 t'es moche, de 2 tu rappes mal. Si tu nous vois pas, c'est que t'es un mytho. À 19 ans, je suis un détrônable. Comme l'ancien président, Laurent Gbagbo, j'ai le ventre bien rond. Stop la prod comme Sheldon Davon. La concu flip, personne nous doute car la crosse sort du pantalon. Ouais, j'rappe vite, t'aimes pas tout pas l'ampète. Thérapie bestiale, ouais, j'envoie la tête. Les rap technique et ton caractère. J'rappe pas PayPal, laisse-moi ton canapé. Salope, l'ange, c'est encore azote. Assommé, j'écoute avant qu'elle pété la porte. J'suis tombé enceinte, t'avorte, t'avorte. Reste le mal avec le goût, on est d'accord. J'suis ton cap comme pas dans la forme. Fume des grosses d'air, des 8h, j'pète la forme. Bouchi dans Rudy Lacoste, c'est légal. Puis quand t'es HS, mélange à mes gobules, fils, c'est des bars. Laisse-la. Tu peux dire à tous tes gavas que c'est moi le meilleur, mais je rappe mieux qu'eux. Donc au fond, je leur mets fin de eux. Ils sentent le danger, je crache le feu. Oui, moi je suis barné, faire de l'argent c'est vital. Mon passé est délicat. Je les baisse, je le nie pas. T'as zappé ton P de gros, je te le dis pas. Chez nous, malheureusement, pas d'héritage. Que des dettes, dégradés aux cheveux longs à la rital. Survêtement, clope au bec. On aime l'argent et tout ce qui l'englobe. T'as 9 000 et 16 balles dans l'enveloppe. Pour 2000 euros, je rappe 5 minutes. Pour 6 000 euros, je te fais venir en loge. Ben de mafia. Wesh, wesh. Ben de mafia. Wesh, wesh. Ben de mafia. Wesh, wesh. Hey. Fume sur mon joint, ne veux pas dire que t'es mon ref. Donner un clochard ne fait pas de ton ami. J'te tiens mon analyse, canalise mes nerfs, génère l'énergie, vénère quand tu me la mise. Ah, merde, ramadise mes guerres de terre. Mourir sur le champ de guerre d'après ce qu'ils disent. T'es tout ce qui niche, te vois mon petit frère pépère. Tu perds, tu contrefères ta bande d'amis dans ta vie. Quand ta vie la mise dans les poches, qu'est-ce t'en as fait? Tous mes rôles comptent de pas fait en effet. Tous les beaux sont faits en moi, en effet. Je l'ai fait quand la vie n'est pas à compte de feu. Fais dans le garage, quoi. Et dans les parages, ça m'agace. Quoi? Faut fêter pour tourner la page, couper les pots pour que tu nages. Car t'es un arca. Je l'écarte, j'ai l'écarte pour tuer les farcas. Je me casse. Bref, ce qui n'est pas partagé. On arrive sur vous les mecs, trouble placement. En masse de U, on crée des mauvais des dépassements. Laisse faire, c'est agaçant, j'investis le background. J'ai des passe-temps, crée des actions. Tant que tu fais des combos, bombré. J'entre dans le combat muni d'un combat qui plombe. Panama sur ta télévision, ça l'est pas. Vision chamanique, je viens par où, je crois que c'est le comble. Peuf, peuf, sur le con, arrête devant la peur. Ref, lâchez de balles dans vos cœurs. Ref, ça sent la peur que la va mettre au-dessus. Gros cul, joue tes grooves à la pia. Vivre et bitch, tu demandes ce qu'il y a. Dans la vapeur que j'inhale, je finirai boudant dans le nord de Pigalle. J'arrive de la Liga merde nique vos tripes. J'vise tes ligaments comme l'amira. J'kick Irak dans ma tête et je me bute au flatbush. Rime grave sans le bluff, t'inquiète, je connais par cœur. Pirate, Kira, casse des Asirah. Pas de mélange possible entre Nike et Fila. Pourquoi vous sucez les mecs, on est loin de la peau, j'ai donc ferme ta gueule. Et tu te la prendras dans le Fiat. Et tu te la prendras dans le Fiat. Ouais, tu vas la prendre. Du shit dans le check, y'en a une ribambelle pour la clientèle. Le chargeur du 9 est rempli si ta meuf est en I, alors j'suis en L. passe dans mon check, les roues vendent la frappe. Oui. C'est violent, ça claque, le terrain tourne autant que la bac. Je suis avec Maximus et Vadimus, on part au dans à bar. Oui. On n'a pas pris le bus, retour au check, on finit au banc rabat. Garde ton bang, j'fume la peuf que dans les slims. J'fume la peuf que dans les slims. J'kiffe les keufs que dans les films. Meuf qui font feu de chasteté, c'est pas ma tasse de thé. Soit t'es une mytho, soit t'es une michto. Qu'a déjà pigeonné 2-3 tétés. Sale pute. Sale pute. Fred, on va la suite. Panama. Attends, moi je suis de la peau, il reste un peu près. Je suis un Gervais. Ok. 19ème. Vas-y. Je suis pas patient, mais je suis pas non plus une médecin. Une femme frustrée m'a dit y'a plus de mec bien. Je crache ma flamme, faut que ça prenne. Jusqu'à que ça ne puisse plus s'éteindre. Elle m'a saoulé, je parle plus assez de timbres. Ma belle, je t'écris des lettres, mais j'avais plus assez de timbres. Je sais pas quand c'est la fin des vacances d'été. En tout cas, Hugo, pour moi, c'est plus en septembre. On a pion, c'est dedans. La cour va coincer dedans. Pas conforme avec un joint, c'est tendre. T'as voulu combattre la vie, elle t'a mis un 7-1. Pour l'instant, ça allume, puis un jour, on s'éteint. Ouf! Yeah, yeah, yeah, bien. Ma prod m'a fait un petit tac tac tac tac tac tac tac tac. C'est comme un gros freestyle. Ouais, ben de mafia. Ben de mafia. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, yo, ça dit quoi, bande de grandes merdes. On va vous enculer, peut-être vous stranguler. Avec des phases et puis des grosses d'air. Je vais faire des emplettes en pleine enchère. Je suis dans le cercle, je te rends paralysé. Je suis défoncé, j'attends le veille. Remise à temps, frère, je peux placer ma frappe doucement. Et justement, pas quand je te dis que je suis le mal qui arrive de l'enfer. Mes rap séquences, c'est le plus rapide que ta clique. Thérapie trop magique. J'imagine te frapper la nuque à l'ancienne. Te voler ton sac lancel, un truc carrément pire. Avec ma Zémon qui, on arpente les rues de nos darons. Bref, ma longue chic bitch, brise ta bombe vieux. J'fais des quick trucs munis de ma consomme. Puis la bombe bleue. Hey, ouais, la bombe ouais. Sur ce, je suis avec toute l'équipe à PDM. Je trouverai pas le sommeil, alors je mets que des gifs comme Federer. C'est que le classique shit 5. Négro, tu trembles déjà, tu rentres déjà. Viens la daronne qui t'attend, tes refs dorment déjà. Je reprends des prods quand la nuit vient l'insomnie. J'ai parcouru Paname de West en Est, du 9 de Saint-Denis. Oui. Jadis, j'étais bon. Valider mes sons, ma mixtape est attendue comme ton BNF sur 10 litrons. Wesh, Gouna, t'as un Niax, fais 22 assis. Toi, tu cherches moucheton, il est dans le Mégane 2 à Chinois. L'argent nous fait tourner les idées. Ton équipe, on les a pliés, repasser les allées civées. Tu peux repartir sur civière et sous les sifflets. Si tu pouques avant de couper un bras, t'inquiète pas, on s'y fait. J'suis dans tous les business qui rapportent de l'oseille. Chez nous que de la frappe, bien fumer le béto des hautes scènes. On voulait juste faire un petit billet histoire de se barrer d'ici. Voir les Siciles au lieu de squatter le city. Donc faut faire son blé comme là c'est easy. Pas se faire plomber comme Paquet Biggie. Ni même tomber comme à des busy car ça pue. Ici les villes s'affrontent comme dans Spartacus. Une garde à vue pour une garde à plus, les carapuces. C'est alarmant, tu sors de GAV, t'as pas d'argent. Baisse ta capuche, casse ta puce et rate pas le bus par la maman. Rassure-la car elle se fait du souci apparemment. T'as plus taf, faut plus cette voir rarement, c'est chaud gros. Bien plus profond sous mon pull, pareil que le tan chez ma bite. La rue attache et mes bottes, le goudron brûle, écoute ton mur. Ouf, mon pur, je peux pas me lasser, mes barres dures veulent la classer. Cheval d'as, c'est pour mon tueur, on est tous là pour ramasser son pack. Pour cela, certains peuvent arracher ton sac. J'aurais peut-être pas dû renoncer à passer mon bac. Au fond de moi, la rage est compacte. Ouf, ça y en a assez, on craque. Rien à changer. Dans les petites allées, on se cache. Tu peux m'y croiser, Niax, c'est mon H, ou bras, c'est mon cash. Tu s'enfermes en ciel et terre, tu fais du mal, t'en fais les frais. Pas plus sacré que périmère, y'a trop de charreaux dans le périmètre. On a des styles qui les font braguer, toute la concu est condamnée. À peine dans la reste, la meuf nous dit de mettre le son avec. Elle est dans la poche, c'est toujours le même rap qu'à l'époque. Sur scène, c'est le bordel, c'était déjà venu, gros, tu sais que c'est pas des lol. La rage se délivre sur scène, on enlève ses chaînes. Cette boy déchaînée qu'on sente leur haine. Et le bullet fuse, ma gueule rien ne sert de demander freine. Y'a Kenny qui sort de Fleury, mais y'a Joe qui rentre à freine. J'ai de la peine quand je regarde ce monde. Gros problème flagrant dans la procédure de l'histoire. J'aimerais faire appel. Hey, cousin, j'aimerais faire appel. Ouf, ouais, j'aimerais faire appel. Cousin, je représente mes roues et puis mon patronyme. Flow ultra tonique, des mandats, des en bas, des batterimes. Mais toi, c'est pas terrible, non. Y'a trop de proximité entre ces mêlés bitumes. Chaque fois qu'on rappe, on se met à l'éviter, même si on a l'habitude. Au-dessus de vous. On va leur faire guetter les jutsu. Check cette voix, je suis le sensei de Paris Sud. Ils sont chelous, on les décrit. On veut pas te monter un aigri. Si tu me connais, je suis le premier. Je fais le schéma dream codé. À pleine vitesse, je roule les vitres baissées. Le but, c'est les vitres aigris. Fisse la vite te baisse. Pendant qu'ils roulent à 4 à l'heure, on se bat contre leurs normes. Puis rentre à l'heure où les contrôleurs dorment. Fuck raconter ces crimes, les vrais dizaines ne parlent pas. Ils agissent et laissent le khalis faire le vaitra. Chill. Khalis faire le vaitra. Ouais, et laisse le khalis faire le vaitra. Voilà la suite, Fred. Brr, brr, brr. Ben de mafia. Ouais. Hey. Ouloulou. Brr. Ben de mafia. Ouais. Ben de mafia. Hey. Bende, Bende, Bende, Bende, hey, ma fille. Hey. Violent comme Russie ou Poutine quand les fusils tirent. Fugitif dans le rap, si tu rappes comme Fuzati. On vous a dit que ça venait d'en pack, ça pue la piste. Que tous mes gars sont sur la liste, alors arrêtez de m'énigmer bizarre. On veut le pif, le visa pour nos blés d'art qui font. Croisière sur pire en cas, on détruit le bateau d'esclaves. La tête me berce, toi elle te pèse et te shoot. Endetté jusqu'au coup, carte à carotte, cargaison d'esclaves. J'ai 7 sur 7 comme Népal, destiné au grand succès. Tant que je vous la mets à ça arrive du Porsche roux, grâce à 10 dessous, on veut les sous. C'est le yan-yan qui donne de l'huile de cou. Ah oui. Il est trop temps de faire notre trou d'après les aînés. De l'avance sur la course, le bon cheval de sujet misé. Ramène les pifetons, les tchagas et les sputos stud, mec. Faut du carburant jusqu'au clé. Ouais, ouais. Je suis ce genre de jeune qui se balade sur un zipeta. Qui répète toute la journée, ouais, qu'on nique l'état. Alors qu'en vrai c'est eux qui nous enculent bien. Toute la journée je fais le mal, la nuit ta raclée me fait du bien. Je veux me remplir les poches autant que mon casier. Ma génération cool, je fais partie des naufragés. Une gorgée pour les morts, je bois votre santé. J'ai fait la boule, le scooter, démarre sans clé. Mais eux arrachent le bitume, mec. Je calcule l'argent, ma mif, mes potes le reste, mais sur le tech. Y'a des trous de boulettes sur mon survêt depuis que j'ai 15 piges. Je mets des bananes à des singes tristes. J'ai la flemme là, ouais, je mets là. Ouais, Panama Bende, c'est ici on passe collectif par individuel. Les problèmes sont résiduels. Puis tu sais, on les affronte ensemble comme les fils du ciel. On a la puissance dans le mot, t'as fait pas grande chose avec les Sancho dans le Range Rover. Je doute que c'est des pensées ne coûtent peu. Mais j'y pense au soleil dans ma bouche en arrière, goûte que. Filet de lumière sur le visage, pour défiler le paysage. Vous déchiffrez l'un des chiffres. Faut que le code civil, on respecte le code de l'honneur. Ah oui. Dans chaque city, la musique nous apporte le bonheur. Eh, t'entends ma clique et moi on a des choses à dire. Pour faire prospérer le gang, il faut que les disques tombent. Plus tu aimes, plus tu rêves, gros, sinon on se parle face à face pour tes mesailles mutuellement. Bende mafia, Bende. Bende, Bende, Bende. Bende mafia, Bende. Bende mafia. La vie nous rafale les jambes, mais on marche avec. Nous on plaît pas les gens, on veut juste leur salaire. On a le seum, frérot, c'est paresseux. Paresseux, je me déterre que quand ce putain d'argent nous appelle à l'aide. Preuve apparition, brave que quand je veux, nos vies paraissons. Dans nos streets, plusieurs jeux seraient qu'on dit pas les non, pas les noms. Plusieurs jeux seraient qu'on dit pas les noms. 93-8, la source est punie sur 16. Grosso lourd, sort de la caisse, jaloux, appuyé sur play. C'est sale, ça se passe où ici? Si son stud finit à l'aube, roupie quelques heures, se réveille pour cracher la dope. Oui. Ta putain fait des loopings dans la mur chez la go. L'argent est sale, la drogue est dure comme ta fin de scénario. Sucer mon sang, le venin est prêt. J'ai buté longtemps, emprunté mille chemins d'après mes frères. Tu connais mon gang, guette-nous de loin, 42 guettes de haut, blesse. Panama Bende. Ouais, Bende mafia. Ouais. Le temps a changé les saisons. C'est quoi ça encore? Ouais. Oh la Bende. Bende. Mafia Bende. Bende mafia. Bende. Bende. Hey, hey, hey. Bende. Bende MLB. Bende MLB. Bende. Ouais. En Fiesta, moi je suis Roger ou Nadal. Tu feras pas le quart de ce qu'on a fait dans Paname. Oui, on a connu les rochers, la dalle. Ne fais pas le dingue si au final tu sais que tu banaves. Ouais, ouais, ouais, c'est bien nous dans le secteur. Tu nous as reconnus et ce parmi tous les vecteurs. Fais Bellec, ne nous mets pas la banane. Tu vas respecter comme si on s'appelait l'inspecteur. Nouveau spectacle, fais ta respecte-toi. T'es encore en soirée alors qu'il est déjà 7h. Tu sais ce mec là, il me déteste moi. Car il sait très bien que je pourrais péter une de ses sœurs. Bitch, bitch, tu nous verras dans le top 5. J'arrive en soirée, le proprio dit que j'ai trop de zinc. 635 pour qu'il ouvre la porte. S'il le fait pas, je crois que mes gars lui coupent la gorge. Je suis loin quand je me fais discret. Les filles bien sont malines, parfois des grosses putains. Je connais les disquettes, moi j'en ai vu plus d'un. Pour une meuf qui patine, patine. Pour du genre ou une meurt. Une vieille embrouille qui dépasse les menaces. On somme que des meugras. Et on sait que l'histoire va sûrement ralentir le feu. Ta petit la vie te braque, donc tu fais des feu gras. Hey. Mes amis me disent que la vie me gâte, me gâte. Tu sais, tous mes gars sont bien trop te gâte, te gâte. On prend un billet, on fonce à meuda, meuda. Mes amis me disent que la vie me gâte, me gâte. Tu sais tous mes gars sont bien trop te gâte, te gâte. On prend un billet, on fonce à meuda, meuda. Je suis dans le 14 à la cité Banks Paris. Avec GRK on fait les business carrés. Je suis dans le 9-2 avec les rois PDM. On fait pas de chrome, arrête de nous prendre pour cet LM. Fuck, fuck, fuck, fuck. Je rappe pour mes homies. Mon petit frère frappe seulement si je l'autorise. Je veux me barrer loin d'ici, loin, loin, loin. Arriver les poches pleines comme un touriste. Je veux 6-0 sur la fiche de paye en fin de mois. Sinon je devrais gifler tes grosses lèvres avec mes 5 doigts. Ah, tous mes gars m'ont validé. Ouais, ouais, je veux plus d'argent que le Wajibé. Donc sale pute, écoute mes plaies, je rappe fort. Je suis une machine hardcore comme une Martina Stan ou R. Kelly. On aime quand la basse sonne, que les liasses rentrent dans les poches. Compte 2-3 potions de oui. Faut que tu m'écoutes parler. Faut que tu m'écoutes parler. Je dis pas que de la merde, la flicaille nous malmène, gros. Faut que tu m'écoutes parler. On éclaira ce greffe au commissaire et ses agents. On sait pas faire la fête, on préfère faire l'argent. L'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, oui. Dog des mafias, merde. Ben des mafias, ben des mafias, merde. Ben des mafias, ben des mafias, ben des mafias, merde. Elle t'a friendzone, elle t'a mis le barrage. Gros de feuilles, oups, y'a les flics dans les parages. Tout se passait bien, plus elle me saoule, alors je la baise une dernière fois et je m'en débarrasse. T'étais pas là donc t'as pas la vie, ouais. Ouais, c'est salace, mais c'est ça la vie, gros. Tous ces bâtards voudraient me voir à terre. Pour l'instant, je suis dans le gamo, je sais pas la vie. Ni qu'un enfer, ni qu'un paradis. J'irai où la vie m'emmène, on en parle plus, nègre. Y'a des bavons, y'a des parasites, y'a des balances qui ont parlé quand ils ont vu les queues. Quand ils ont vu les queues. Quand ils ont vu les queues. Ouais, barre comme Kenny. Barre comme. Barre comme Kenny. Barre comme. Barre comme Kenny. Kenny. Hey, yeah. On est barre Kenny. Comme Kenny. Ah, Kenny. Ouais, ouais, c'est quoi les bails? Ouais, ouais, ouais, c'est la misère, le cash hiberne. Je ne sais où, nique ce blunt et groove. L'aigreur des mots s'écrit en 6 mois. Les faux simoles à l'écoute de certains de nos couplets. Je me coupe des autres dans un bunker avec mon C-Rock. C'est le rap pour le reste, perso, moi pour le rap, je reste écrouille. Rares sont les sages qui m'ont réécoute là où je traîne. J'agis loin des masses de flics là où peine. Car là, et personne normal, c'est la rive nord là où je traîne. Je te parle de choses que t'as sûrement pas vu. Parle pas sur les réseaux, ma gueule, parce que je te ken juste en fumant ma queue. Vous vois tous en suçant ma huc. Je nique plus d'un bac. Est-ce que tu sens ma hub dans ton cul? Est-ce que tu sens ma huc? Vous parlez tous, mais je suis trop technique pour la plupart. Niquez vos mères jusqu'à Cuba. Putain, ici c'est Paris 18ème. Jusqu'au 9-2, je fume la bud d'Irak. Ça la vie, fumer l'herbe, le pétard, faire la fête, le vétard. Original, mec de Tchekar. Y'a Ismo qui est sorti, mais y'a eu quelques départs. Ouais. Y'a un clic qui ne cesse de me l'épar. J'ai peut-être le bébar. On pouvait pas prédire ce qui aurait pu se passer. Chez nous, dès l'heure, d'y en a plus cassé. Sur le sol, des puces cassées. Les anciens font plus de teuteux. Ils ont dû se lasser, ils font plus classer. Basique, ouais. Moi c'est dans les classiques que je suis classé. Oui. Noir, juif, blanc, arabe. Du 310 à Tristan Zara. Y'a des Djib en carrage. Quelques guetteurs criant ara. Aïe aïe aïe. Clients par-ci, des clients par-là. Alors les flics en parlent. Faut agir, éduquer les petits frères. S'il y a du respect qui se perd. Certains cassent des dents pour des yébivers. Ou passer le temps cloîtré dans une page d'effets divers. On squatte les bancs, l'été, l'hiver. Là c'est nous, demain c'est les petits. Car les grands c'était hier. Car les grands c'était hier. Car les grands c'était hier. 2 millions de peines pour ces peu de routes où je ne rêve de briller. Finir millionnaire, même si j'y laisse ma tête et briller. N'est pas ma quête en fait. Trouver mes terres, en faire du blé, avoir son plan de secours. Et la priorité en vrai. Ma pauvre chère, même fauchée, j'ai tout donné au rap. Maintenant ça taffe et veut une carrière honorable. Crois-moi, c'est des pétasses qui bouffent avec le buzz. Et pèsent avec le succès, pute. Maintenant ce beat, elle vient de sucer, sûr. Ma prose est pure et bien influencée, certes. Tu veux du bon peu rap, bah venez me chercher. Frère, nous la relève, quoi. T'es fou, quoi. Je me les fonce tout droit. Utilise les voix comme des fouloirs. Pose des parcs, pose Tinissi. Roux, veux baiser le peu ras. Vider la vessie. Juste après les laisser, je dis que je vais les élever. Mais comme un père ivre noyé dans le jack. Pas de fiotte, fais pas le fou si t'as la frousse au fond. Ouais. Sous mandat de dépôt pour un smic. J'ai tellement le seum qui pourrait faire 48 heures pour un stick, fils. Mais j'écoute pas ce qu'ils me disent. Ou pas crédible, tout pour le prestige. Je préfère rester dans les vestiaires clean. Je préfère rester dans les vestiaires clean. Je préfère rester dans les vestiaires. Je suis comme une bouteille d'essence dans les flammes. Je suis dans les problèmes dans les femmes. En 2016, y'a plus de morale. Tu la trouves que dans les fables, on a vu. Les trucs sordides, fais pas trop le fou quand on a bu. Tu donnes un peu de confiance et ces salopes, elles en abusent. Ouais, c'est la vie. Pour chacun contrôle son navire. On arrive tranquille sur la rive. Ouf, le souffle, c'est chaud. La marocaine rime à tuer. Ce texte n'est pas dans la. Dans l'option ce soir. Encore un soir de plus où je vais gratter seul. PLK? Ouais. Encore un soir de plus où je vais gratter seul. On touche le plafond, la concu qui gratte le sol. J'écris ma lettre à mon gars qui a fleuri. Azelé, faut qu'il soit rassuré. Tous ces gars vont l'assumer. Je laisse tes rappeurs à la traîne, promis au classement à la trêve. On contourne ton corps à la craie le soir si tu nous carottes l'après-midi. Je suis sur la ligne de départ, prêt à mettre tout le monde à la mode. Pied au plancher, risque augmenté, même prêt à finir à la morgue. Faut qu'on ait 400, ils sont 200 de moins. J'ai 2 ans de moins, tueur, casseur de prod, rappeur 2 en 1. T'as beau faire 2 mètres, tu vas quand même passer par la fenêtre. 350 chevaux sous le capot, je laisse tes rappeurs à la traîne. Squeeze. Tu connais. Je rappe devant tes potes. Je rappe devant tes potes. Je rappe devant tes potes. Je rappe devant tes potes. rap devant tes potes. C'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé. Ok, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé. Panama bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé. Panama bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé. Face à la basse de l'humain, on lève les yeux au ciel. Que faire pour la réhausser? Seul trouver une raison d'être pourra nous raisonner. Pour ça que le son résonne, c'est notre kérosène. À quoi les euros servent si les frérots saignent? Ils ont répété, j'irai au ciel. Mais qu'ont-ils fait pour le mériter? Moi, je suis l'un de ce monde dans le vaisseau mère. Y'a que de l'amour de mes frères que j'ai hérité. Rien d'autre, non. En vrai, je n'ai besoin de rien d'autre. L'amour de mes frères et la mélodie du piano. Difficile d'homme, 44, je n'ai besoin de rien d'autre. Ayant fait du bon son, ensemble, pour donner du sens à nos vies. Grosse dose d'ambition de la veine. Bon sang, on consomme des saloperies. Mais y'a pas besoin de bon sang pour ça, ne blaire qu'importe. Car bleu, grâce à mon cœur, pur carbro. Ça pourrait être encore pire, pas le temps de dormir. Vision nocturne, je bosse dur face à la vie comme Hercule. Jamais je recule. Attention sur le retour, on n'a pas perdu les pédales. Non, on les a pas perdus. J'ai le coin et je tiens le bout, apportez-moi les pesetas. Pesetas, pesetas, pesetas. Je suis un nouveau né dans le rap, mais je les mets sur la gauche. Sur la gauche, sur la gauche, sur la gauche. Je vais te doubler de par la droite, ma folle est sur ta gauche. Ouais. Y'a des fils de pute qui veulent ma peau à tous les kilomètres. Kilomètres. Tu parlais sur nous, j'étais buté pendant que tu sirotais. Salopé. On fait parler nous sans faire les putes, c'est ben des mafias. Bra. On est comme des loups et peut-être à l'arrêt, on se mariera. J'ai touché, tu fais naïf, tu sais, dans la vie, mon ami, le karma est sanglant. Après l'abus et la sentence, tu mériterais qu'on te mette en beaucoup de canif. Ta copine est sympa, en plus elle est sapée. Elle veut mon pain, le dit ouvertement. Le pilon est bien gras, elle torque sur mon benga. Elle me dit que son père t'a faux gouvernement. Tu jeunes, tu frais, tu refais. J'arrive dans le rap en n'étant pas déguisé. T'as le seum, t'as l'air, pas le chaussé. Viens en télo vers les Champs-Élysées. Je suis jeune, je suis frais, je suis refait. J'arrive dans le rap en n'étant pas déguisé. T'as le seum, t'as l'air, pas le chaussé. Viens en télo vers les Champs-Élysées. Ouais, Fredo change la prod. Fredo change la prod. Fredo change la prod. Non, vas-y, viens, ouais, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé, c'est bendé. Je veux pas me courber à l'idée de souffrir. Moi, je reste droit comme Idi et pour leur grand désarroi passerai ma vie sous shit. Si peu de repos, si peu de roues, mes frères rêvent de briller sur côté, c'est pas en Corrèze ou en Lozère. Je veux faire bronzer mon épiderme, manquera plus d'un épiderme. Le rythme sera soutenu de Bagnolet à Épinay. Laisse-moi roupiller, je vais te bousiller. Je suis soudillé, gueur ici, pas de cigone, que de la weed et des silhouettes. Je me sens comme à la naissance, la vie te stresse, te laisse même si t'as la détente. Écoute du fixe, peine jusqu'à la défense. Nique le puits du fou, chez nous c'est le puits du four. Vive à vite en bas du trait, ça m'empêche pas de fumer des trucs du hood. Si juste tu bouges, ça m'arrangerait. Je veux pas te voir sous mal en fait. Les autres sont pas mes frères, pas besoin d'enquête. Les salopes, pas besoin d'essayer de suivre. Je rappe en dénivelé, salopes, pas besoin d'essayer de suivre. Pas besoin d'essayer de suivre. TLK, ouais. Peur en vrai, je compte pas trop dessus. Comme un condé face à un trafic en stup, on est d'accord. Je vais rouler en Porsche intérieur alligator. Gros comme un bœuf, en vrai, je suis rapide à mort. Je vais faire des sous plus que Maggie Warano. Moi, tu peux pas me chez Brand, gros, va la faire à d'autres. Je vais trois fils, trois voitures, trois baraques. Une à la mer, une à Paname et une au bord d'un lac, ouais. Comme ça, la vie sera meilleure. Je mets le daron volant d'un coupé sport. Je veux le million pour que la daronne arrête de donner des cours de sport. Oui. Ou alors, qu'on devienne des superstars. Panama Bendé sur Skyrock. C'était le Panama Bendé en live à l'instant dans l'émission. Merci à vous. Je vous souhaite une belle route en tout cas au Panama Bendé. Et j'espère vous retrouver et vous recroiser très bientôt avec Donc. On espère. Qu'est-ce qu'on peut résumer? Déjà, il y a le projet qui est. Il y a le projet Bendé. Il y a une petite dinguerie qui arrive à la rentrée. Donc, dinguerie à la rentrée. Il y a un clip il y a deux jours qui est sorti, Fumée Verte. Fumée Verte, ouais. Bendé Mafia disponible en streaming. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, pour tous ceux que ça intéresse et surtout nos qui veulent voir des nouvelles choses, il y a plein de sons, plein de vidéos qui vont arriver en rafale. Panama Bendé, Facebook, Twitter, Instagram, on est partout. Checker ça, il y a déjà énormément de contenu en vrai. Déjà pas mal de choses. Déjà, on peut se régaler pour l'été. Exactement. En attendant la rentrée, donc. Exactement, il y a des grandes choses à la suite. Des grandes choses à la rentrée. Merci à vous, les gars. Merci Fredo. Merci à toi. Allez, suivez Panama Bendé. Merci beaucoup. Et on les revoit très très bientôt. Merci Skyrock. Free Cactus Magic. Cactus. Free Jojo. Et qui sort bientôt là. Et Socoyote. Et Socoyote qui est avec nous. Merci à vous les gars. Boys, mon gars. Boys. Le son de la nocturne, 100% rap français, ça continue maintenant. Ça. 100% rap français, planète. La nocturne. Et la nocturne qui continue, fabuleux. Oh là, fabuleux est dans le quartier. Le micro, il a lâché. Et c'est Jul qu'on écoute maintenant, il était toute cette semaine dans Planète Rap. Allez, le sang. C'est dans Red Platine, écoute mon son, je t'emmène. L'album est dans les bacs. Sur Beta Zix. Je rentre en boîte, je t'emmerde. T'es comme le rosé, toi tu m'as pris en tête. Je suis le capitaine, je tire les pénaux, les corners. Je sais pas ce qui me retient de mettre des gifles au bon mère. Y'a même pas un stade dans mon quartier, j'en veux au maire. Je fait bagarre sur le parking. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Je veux pas le goal. Bouge tes hanches, j'ai dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucan. Excuse le sang, j'suis trop bucol. Bouge ton boule, là j'veux pas le goal. Bouge tes hanches, j'ai dans ce col. J't'ai chauffé, j't'ai en boucan. Excuse le sang, j'suis trop bucol. Je vais pas te courir derrière. J'en garde ta tête et ça ton derrière. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Fais gaffe avec ton verre. Tu vas me chauffer, là, son grand-père. Si un jour j'la crois, j'vais faire le signe de la Rihanna. Cours plus, j'fais plus de sport à part quand ça crie à ra. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez on nique. Allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang, allez le sang. Rap français 100% explicit lyrics. La Nocturne. Nouveau son de Joke dans La Nocturne. C'est 100% rap français. Oui, bitch. Moi j'aime toutes les soeurs à tant que paie en espèces. Pète les têtes de cristal comme en URSS. Des balances de négro, Taurus, Nietzsche, SS. Préfère une nasse froissée qu'une Tommy Show Benfest. Faut se réaliser qu'on s'organise, mais une bonne table. Quand t'aperçois le négro, t'as le stress des examens. Je suis à l'entrée des artistes, toi à l'entrée de gamme. Pisser sur ces bâtards, voilà, c'est un régal. Ouais, ouais, ouais, y'aura pas la one again. Renoir, t'es maman des gains. Le slur comme une ganéenne. Pétasse c'est crame le charmel. Les mon club, j'suis dans le pharo, ouais. Coupé, décalé, gang. Cocaine sur ma gare open. Groupie comme un dame, j'passe par les mains sans peine. Je suis des petits pis, mais pareil, même quand même. J'te la mets dans le cul, j'suis Jackson, fit Verlaine. Y'a des crop circles sur mon IRM, oui. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Pétage, j'ai une femme qui m'aime. Je rentre à chat, sensible comme des sentinelles. Depuis que je suis parti, je vois des gens qui naissent. Les rappeurs abusent des petites et de ma gentillesse. Il me faut une green card, un petit visa. Une arène à grande et que j'étale mes gosses sur son petit visage. Toi, t'as une équipe bizarre, j'tire fille. Ça, je la passe dans le front, je regarde le ciel, je vise. Après, je te laisse en syncope. Trouve-moi à l'hôtel Coste. Je te fais croquer la Melrose. Clique les codes, je fais des 16 fois. Avant ça, coucher pour un poste. Maintenant sur Insta, ça couche pour un poste. Ce son sera dans mon best-of. Les concurrents me cherchent dans un télescope. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. Appelle-moi sur mon trap folle. C'est Dossé dans La Nocturne avec Young Thug. Y'a 7 jours dans la semaine, cette couleur différente de billets. Si c'est un signe, qu'il en soit ainsi. Je t'ai récupéré l'or qu'ils ont pillé. Hey, ouais, j'en refroi. Si j'enlève la plus, qu'à tu me ramènes. C'est le jour de la dernière fois. Équipé chaveau comme jamais. Les Yankees me kiffent, j'ai ce qu'il leur faut. Criminel swag, killer flow. J'calcule pas ce que les suceurs font. J'leur pisse au cul, j'leur chie sur le front. J'suis hors game dans le fond. Ils savent bien que j'suis plus sale qu'eux. Rap NSB, j'suis sur plusieurs fronts. J'ai plusieurs joints, mais qu'une seule queue. Regarde-moi, j'suis tout de balle, m'invite.

vois qu'une danse, babe. Fais ta danse. C'est la fille ou le diable. Oh my god. Ta fucking danse, babe. C'est la fille ou le diable. Oh yeah. Ta fucking danse, babe. De quoi t'as envie? De quoi t'as envie? Baby, dis-moi de quoi t'as envie? De quoi t'as envie? Baby, tu sais que t'es pas ma momie. Le diable m'a maudit. Baby, maman, je suis qu'un OG. De quoi t'as envie? Yeah. De quoi t'as envie? Je les baigne. Tu me donnes envie de t'emmener, baby. J'aime quand tu cries pour ma baby. Yeah. Tout ce qu'elle veut, c'est un jeune négro riche qui la baisse comme elle en a envie. De quoi t'as envie, je le baise, yeah, je le baise. J'ai des bitches dans ma vie et des bitches dans ta vie, yeah. Party tous les week-ends, c'est un fucking crime, yeah. Pareil, t'es la bitch de la ville, yeah. Qu'est-ce que t'aimerais prendre, babe? Ou avant le lever du soleil? Fucking dance, babe. Fais ta danse. C'est la fille ou le diable. Oh my god. Ta fucking dance, babe. C'est la fille ou le diable. Oh yeah. Fais ta fucking dance, babe. Je veux monter dans la pyramide, salope. Vous observez dans la pyramide, salope. Être au sommet dans la pyramide, salope. VIP dans la pyramide, salope. Des reptiliens dans la pyramide, salope. Je veux rentrer dans la pyramide, salope. Je veux monter dans la pyramide, salope. Je veux rentrer dans la pyramide, salope. Je veux monter dans la pyramide, salope. Vous observez dans la pyramide, salope. Être au sommet dans la pyramide, salope. VIP dans la pyramide, salope. Des reptiliens dans la pyramide. Je représente les pyramides, but. Les vampires de Pennsylvanie, but. Les attaquants comme Inzaghi, les Mongols d'Ora qui sortent de psychiatrie. Bon. Je suis un génie comme Vivaldi, but. Une légende comme Lenny Kravitz. J'ai assuré ma dynastie dans le 9-1, c'est la zizanie. Sus, posé au calme, je vis ma vie. Fume. Camouflé entre Ikaki, but. Y'a pas me déranger, j'ai frite la I. J'suis foncé, je veux qu'on me fasse une petite gâterie. Sus, repose en Pétieri Gilardi. J'ai m'allumé un petit garci. Fume. Avec Bosnou la piraterie. Dédicace à Fetré et à Gilali. But. Le micro, y'a pas que moi qui le manie. But. Vandarisme, j'ai l'esprit de famille. But. Studio bon cœur, y'a de la dynamite. Tu cherches des putes, va sur Viva Street. But. J'vais aller serrer ta petite amie. But. L'emmener se faire baiser au Grimaldi. But. J'peux pas effacer mes cicatrices. Survivant de l'enfer, comme un Chibani. Salope. Les bolos sont l'air si ravis. But. J'peux te procurer tout ce que t'imagines. But. Prends pas pour un Illuminati. Ici ça tire, comme à Cincinnati. Bah. Rachida Dati, Saïdati. But. J'porte les plus beaux tissus d'Italie. Comme Monica Lewinsky et Hilary. J'éjacule vite, je suis si rapide. But. Je veux rentrer dans la pyramide, salope. Je veux monter dans la pyramide, salope. Je veux rentrer dans la pyramide, salope. Je veux monter dans la pyramide, salope. Vous observez dans la pyramide, salope. Être au sommet dans la pyramide, salope. VIP dans la pyramide, salope. Des reptiliens dans la pyramide. Je veux rentrer dans la pyramide, put. Je veux monter dans la pyramide, put. Je veux rentrer dans la pyramide, put. Je veux monter dans la pyramide, put. Vous observez dans la pyramide, put. Être au sommet dans la pyramide, put. VIP dans la pyramide, put. Des reptiliens dans la pyramide. Y a pas que l'argent qui se dilapide, put. Tant que l'argent ça dit la weed, fume. Je suis vif comme maître Miyagi. Put. Ou les enfants dans Ninja Kid. Sus. Papillon sort de sa chrysalide. Put. J'encule les sionistes comme Richard Gere. Sus. Les actrices comme Hopkins Tiffany. Put. Et les avocates comme Ali McBeal. Put. J'suis prêt à ce qu'on m'hospitalise. Put. Pour te protéger du froid comme Vitalis. Brrr. Viens bouffer mon épi de maïs. Sus. C'est à Evry que j'me revitalise. Exact. J'veux que mes projets se finalisent.